Je suis pas sûr que l'ensemble des citoyens est conscient de l'ampleur et des risques potentiels pour la santé publique et la qualité de vie. On veut une contre-expertise pour rassurer la population qu'on n'est pas en danger au niveau de l'eau, que la nappe phréatique ne sera pas touchée, puis que la poussière dans l'air ne donnera pas de maladies pulmonaires chroniques. On n'a jamais eu réponse à nos questions. Il y a quelqu'un qui tire des ficelles.